quatrième grand explorateur scientifique de cette semaine spéciale sur France Culture. On pourrait dire, non sans une certaine facilité, que de la rencontre entre notre invité du jour et la relativité générale d'Einstein naît une histoire d'amour. La légende raconte qu'à 14 ans, il a même repéré une erreur dans ses équations qu'il a corrigée. Passionné dès le début de sa carrière de physicien par les trous noirs, il va se lancer depuis l'Institut des hautes études scientifiques de Bures-sur-Yvette en quête de la confirmation d'une prédiction d'Einstein, des travaux qui lui ont valu cette année la médaille d'or du CNRS, les fameuses ondes gravitationnelles. Thibaut Damour est notre grand explorateur et notre invité pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Thibaut Damour. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. On peut dire que 2017 aura été l'année de consécration des ondes gravitationnelles, même si elles ont été détectées il y a 2 ans maintenant. Il y a eu 2 nouvelles détections cette année, dont une d'ailleurs toute particulière liée à la fusion de 2 pulsars. On aura le temps d'y revenir au cours de cette émission. Votre médaille d'or du CNRS, partagée avec votre confrère Alain Briet, sans oublier bien sûr le prix Nobel. Alors, même si on en a beaucoup parlé dans cette émission et tout au long de l'année, je vais vous laisser le soin de faire votre propre définition de ce que sont ces ondes gravitationnelles, Thibaut Damour. Alors, on peut dire que Einstein a changé le concept d'espace en disant que l'espace était devenu une structure élastique, comme de la gelée de veau, par exemple. Et une onde gravitationnelle, c'est une onde de vibration qui se propage à l'intérieur de cette gelée parce que quelque part dans l'espace, des masses ont bougé rapidement et cette perturbation de la gelée se propage à partir de l'endroit où elle est créée à la vitesse de la lumière dans toutes les directions. Alors, vous avez travaillé, on va le voir tout au long de cette heure, depuis longtemps. Einstein donc a prédit ces ondes gravitationnelles, mais en stipulant qu'elles seraient certainement toujours impossibles à détecter. Il ne l'a pas stipulé, en fait. Beaucoup de gens pensaient intuitivement qu'elles étaient trop faibles. Mm-hmm. Mais Einstein, en fait, dès le début, a dit que peut-être elle avait un intérêt du point de vue quantique aussi. Donc, il a tout de même vu l'importance de la chose. Néanmoins, ça a longtemps été une sorte de Graal dont les physiciens pensaient qu'elles seraient tellement faibles qu'on ne pourrait pas réussir à les détecter. En cette année, depuis 2015, depuis les premières détections et avec ces nouvelles détections au cours de cette année, j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça. 2017, c'est effectivement l'année de la consécration de ces ondes gravitationnelles. C'est le travail de toute votre carrière. Comment est-ce que vous l'avez perçu? Comment est-ce que vous avez reçu cette médaille d'or du CNRS, qui n'est pas la première distinction que vous recevez d'ailleurs pour vos travaux? Oui, d'abord j'aimerais dire que quand j'ai commencé ma carrière de chercheur à 23 ans, j'ai rencontré dès le début Joe Weber, qui avait déjà essayé de mettre en chantier des détecteurs d'ondes gravitationnelles déjà 15 ans auparavant. Et c'est le moment, vers 1974, où beaucoup d'équipes dans le monde se disaient peut-être le détecteur qu'a fait Joe Weber n'est pas suffisamment sensible, mais nous concevons de nouveaux types de détecteurs plus sensibles. Et donc, l'idée était, dès 1974, 75 et surtout 79, beaucoup de gens aux États-Unis puis en France ont eu l'idée qu'on arriverait à les détecter un jour. Donc, de ce point de vue-là, l'arrivée de cette détection n'a pas été une révolution totale. C'était attendu depuis 30 ans. Mmh. Un mot peut-être aussi, et on y reviendra au cours de cette émission, à votre contribution à ces détections multiples. Votre contribution, Thibaut Damour, c'est d'avoir proposé un modèle, une solution analytique. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ces ondes sont tellement faibles qu'elles sont en fait noyées dans un signal. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots en quoi consiste ce modèle, cette effective one body method que vous avez mise en place? Le point essentiel, c'est que comme l'amplitude des ondes décroît lors de leur propagation, comme l'inverse de la distance, qu'elles sont émises à plus d'un milliard d'années-lumière, quand elles arrivent sur Terre, elles sont tellement faibles qu'elles laissent dans les détecteurs une trace qui est totalement noyée dans le bruit de fond. Donc, il faut des techniques pour arriver à les révéler, à les sortir du bruit de fond, un peu comme si on cherche une aiguille dans une botte de foin. Il faut connaître la forme exacte de l'aiguille pour arriver à la détecter dans la botte de foin. Et toute une série de travaux que j'ai fait, d'abord avec beaucoup de collaborateurs, je tiens à le dire, qui ont combiné des recherches qui ont été faites pendant plus de 20 ans, ont mené vers l'année 2000 à la construction d'une nouvelle méthode qui mettait ensemble diverses méthodes et qui les améliorait pour pouvoir décrire quoi ? Pour pouvoir décrire ce qui se passe quand deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons tournent l'un autour de l'autre de plus en plus rapidement et ils se rapprochent parce que l'émission d'ondes gravitationnelles crée des forces qui freinent le mouvement et qui donc les fait se rapprocher de plus en plus. Comme ils se rapprochent, ils vont de plus en plus vite, donc ils émettent des ondes gravitationnelles de plus en plus intenses et à une fréquence de plus en plus grande. Et la difficulté était de pouvoir décrire les dernières orbites de deux trous noirs et ce qui se passe quand les deux trous noirs fusionnent et ce qui se passe après la fusion des deux trous noirs. Et en l'an 2000, alors qu'il n'existait aucune autre méthode, et en particulier pas de méthode numérique, on ne pouvait pas calculer ça sur ordinateur, ça ne marchait pas, on a pu, avec une jeune collaboratrice italienne, Alessandra Buonanno, calculer pour la première fois la forme du signal complet avec cette méthode. Et c'est vrai que c'est un plaisir de voir que cette méthode, Effective One Body, est actuellement une des méthodes utilisées de façon standard, à la fois pour la détection de deux trous noirs et aussi pour la détection plus récente de fusion de deux étoiles à neutrons. Et donc, cette méthode est très utile pour arriver à sortir le signal du bruit. Et nous allons chercher le signal du bruit. Et nous allons chercher à sortir les origines de cette méthode dans votre carrière, dans votre parcours de physicien, dans votre parcours intellectuel, Thibaut Damour, tout au long de cette heure. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et avec peut-être une première question que nous posons à tous ces invités, à tous ces grands explorateurs, hein, puisque c'est le thème choisi par France Culture pour cette dernière semaine de l'année. Est-ce que vous croyez vous-même, Thibaut Damour, à la notion de vocation dans une carrière scientifique ? En tout cas, pour moi, je crois qu'on peut vraiment parler de vocation, parce que dans ma vie, je n'ai jamais rêvé de faire autre chose. À l'école, mes parents, surtout ma mère, a remarqué que j'étais doué pour les maths, puisque pendant longtemps, on ne fait pas de physique. Elle m'a même acheté tous les Bourbaki, c'est-à-dire un traité extrêmement avancé qui venait de paraître à l'époque quand j'avais 13-14 ans, et je n'en ai lu que quelques volumes. Et puis après, j'ai découvert la physique. J'avais un grand frère qui étudiait la physique à l'université. Il apportait de la bibliothèque universitaire des livres sur la théorie d'Einstein et même des articles d'Einstein. Et là, effectivement, j'ai été fasciné par Einstein, par les théories d'Einstein sur l'espace, le temps et un programme d'unification de toutes les interactions. Et là, très tôt, je me suis dit, bon, c'est ce que je veux faire, de la physique et si possible autour de ce que de l'héritage qu'Einstein nous a laissé. Vous avez été plus séduit, il faut préciser que vous avez grandi dans une famille lyonnaise nombreuse, hein. C'est votre frère Thierry qui est de 7 ans, votre aîné qui vous amène ces traités d'Einstein. Voilà, moi je suis le 9e vous êtes le 9e de la famille. Et le dernier. Néanmoins, il y a un intérêt. Alors Bourbaki, il faut aussi peut-être rappeler que c'est ce Nicolas Bourbaki, que c'est en fait un collectif de mathématiciens, que c'est un personnage imaginaire et qui a un certain nombre de traités qui sont des traités qui sont considéré comme assez révolutionnaire dans l'approche des mathématiques à la fin des années 60-50. Oui, Bourbaki a commencé dans les années 1930 ou quelque chose comme ça. Et il considérait que la façon de faire des mathématiques, des traités qui existaient à l'époque, des traités comme ceux d'Émile Picard ou des traités d'analyse, était pas assez rigoureuse, pas assez précise. Et donc, ils ont voulu refonder la mathématique sur des règles complètement claires, rigoureuses, en fait héritées des Allemands qui avaient institué la rigueur à la Heidelberg. ouverte. Et ils ont rejeté beaucoup de choses. Par exemple, Poincaré a été totalement oublié à l'époque parce que c'était trop intuitif pour eux. Mais quand j'étais gamin, c'est vrai que cette façon de fonder les mathématiques sur quelques postulats abstraits aussi me fascinait. Même si en fait, aujourd'hui, on en est un peu revenu, puisque il faut garder l'intuition, même dans les domaines les plus abstraits des mathématiques. Donc les mathématiciens d'aujourd'hui, tout en reconnaissant la grandeur de Bourbaki, considèrent qu'il faut avoir une vision aussi... plus intuitif de ce que c'est que faire de la recherche en mathématiques. Et donc finalement, vous êtes attiré, vous le dites, hein, il y a une rencontre qui se fait avec la pensée d'Einstein, et très vite d'ailleurs, vous êtes attiré par la physique de deux corps dans le cadre de la relativité générale. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous attire intellectuellement par cette physique précise ? C'est en fait, oui, un peu par hasard, mais il se trouve que Einstein avait été fasciné, lui, par le problème du mouvement dans sa théorie, puisque dans sa théorie, il essayait d'avoir une vision où il n'y avait pas de matière. C'est-à-dire, il voulait représenter la réalité uniquement avec une théorie de l'espace temps courbe, comme on dit, c'est-à-dire déformé, mais en essayant de dire qu'il n'y avait pas aussi, en plus de l'espace-temps, quelque chose qui représente des corps matériels. Et donc, en 1938, il a inventé une nouvelle méthode pour décrire le mouvement de deux objets, mais ces deux objets n'étaient pas justement des étoiles faites de matière, c'était des points singuliers dans l'espace-temps. Et l'avantage de cette méthode d'Einstein, et ce qui me fascinait dans cette méthode, c'est qu'elle permettait de calculer le mouvement de deux objets qu'aujourd'hui on appellerait des trous noirs, parce que les trous noirs, effectivement, ne sont pas faits de matière, il n'y a plus de matière, sans jamais rentrer à l'intérieur des corps, puisqu'il n'y a pas de corps, mais en décrivant le mouvement de l'extérieur. Donc il y avait quelque chose d'intellectuellement fascinant, et en fait... j'ai trouvé qu'il y avait aussi quelque chose de techniquement utile, puisque finalement, avoir appris cette méthode d'Einstein, avoir compris qu'il y avait une erreur d'ailleurs dans un certain article d'Einstein, trouver dès l'époque une nouvelle façon de faire les calculs, sans le savoir, a été utile après dans le reste de ma carrière. Donc, de ce point de vue-là, j'étais un peu, comme disait Koestler, un somnambule, c'est-à-dire, il y avait des choses qui me fascinaient, dans la personnalité d'Einstein, dans certains de ses travaux. Je ne savais pas du tout si ses travaux avaient le moindre intérêt dans l'univers réel. En fait, si j'avais parlé à un scientifique professionnel, mais il n'y en avait pas dans ma famille, à propos de ça, on m'aurait dit, mais non, ça n'a aucun intérêt, c'est des vieux travaux d'Einstein de 1938, la physique actuelle, c'est la physique des particules, tu es doué pour la physique, ne perds pas ton temps à ça. Mais j'ai eu la chance que, comme somnambule, ça m'intéressait, j'ai poursuivi ça, et c'est devenu intéressant plus tard. On a parlé de vocation, peut-être peut-on parler d'intuition. Vous l'évoquiez à l'instant, Thibaut Damour, j'en parlais dans l'introduction, vous avez détecté, alors ça n'est pas une légende puisque vous venez de me le confirmer, vous avez détecté une erreur dans un des papiers d'Einstein à l'âge de 14 ans que vous avez corrigé. Alors oui, sauf que en fait, pendant longtemps, j'ai dit à l'âge de 14 ans, je ne suis pas sûr moi-même de quand j'ai découvert cette erreur. J'ai commencé à étudier la théorie d'Einstein à l'âge de 14 ans. Je ne sais plus, il faudrait que je retrouve quand j'ai trouvé l'erreur. Mais c'est vrai que c'était un article d'Einstein et un de ses collaborateurs qui est lié justement à ce problème-là, le problème du mouvement de deux trous noirs, comme on dirait aujourd'hui. Et en le lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une erreur. Et j'ai trouvé quelle était la correction de cette erreur. Une erreur de calcul ? Une erreur dans les équations ? Non, c'est une erreur conceptuelle, plus une erreur de calcul, les deux. Et donc, c'est pas une erreur très importante, puisque il y avait eu un article précédent où tous les calculs étaient corrects. Mais en tout cas, ça m'a donné confiance en moi. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, peut-être je comprends tout de même un peu près ce qui se passe là-dedans. Et donc, ça a joué, de ce point de vue-là, un rôle important. Un autre aspect, c'est que dans un de ces articles d'Einstein et de ses collaborateurs, il était écrit à la fin que les calculs étaient tellement compliqués qu'il ne pouvait pas donner le détail des calculs, le publier, mais que toute personne intéressée pourrait demander à l'Institute for Advanced Study à Princeton de voir le manuscrit contenant le détail des calculs. Et c'est ce que vous allez faire quelques années après en allant à Princeton. Et puis quand bien même vous auriez détecté cette erreur à 15 ans ou à 16 ans, on ne vous en tiendrait pas rigueur beaucoup, Thibaut Damour. La suite, avant d'arriver à Princeton, c'est l'école normale supérieure, une agrégation de physique en 1974, une thèse soutenue en 1979. Non, première thèse en 1974. 74, pardon. En France, à l'époque, il y avait deux thèses. Mm-hmm. Donc la première thèse, bon, qui n'est pas une thèse de très haut niveau, thèse de troisième cycle, mais qui compte comme un PhD. Dans le système américain, et donc que j'ai passé aussi avec l'agrégation. Tout à fait. Et donc, cette thèse de 1974 portait sur... Alors, elle portait en fait sur le problème du mouvement, et même, c'est-à-dire du mouvement des corps en gravitation, donc la même chose, vous me direz. Et dans cette thèse, elle était technique, elle n'a pas de grandes découvertes, mais en fait, j'y ai appris certaines techniques qui se sont révélés extrêmement utiles pour la suite et qui m'ont permis de résoudre des problèmes que d'autres personnes n'ont pas réussi à résoudre plus tard. Quel type, par exemple, donnez-nous un exemple précis, Thibaut Damour. Juste, alors, quand on décrit le problème justement du mouvement de deux trous noirs, le problème c'est, comme un trou noir, il n'y a pas de matière, comment on peut décrire la force gravitationnelle, le mouvement de ce trou noir, la force qui agit dessus, et comment aussi cet objet... Comme il crée un champ gravitationnel, ce champ gravitationnel agit lui-même sur l'objet, réagit sur l'objet. Et quand vous faites des calculs mathématiquement, vous trouvez l'infini, c'est-à-dire vous trouvez quelque chose qui n'a pas de sens mathématique. Et donc, dans ma thèse, j'ai développé de nouvelles méthodes et j'ai appris des méthodes existantes pour arriver à traiter l'interaction d'un corps sur lui-même. Et ça, ça joue un rôle très important jusqu'à aujourd'hui, puisque même il y a deux ans, on a encore raffiné ces méthodes. Parce que finalement, pour décrire le mouvement de deux trous noirs, on représente les trous noirs comme si c'était des points dans l'espace, même si en fait, il n'y a pas de points. Mais il faut une technique mathématique pour arriver à comprendre comment un point qui crée un champ gravitationnel infini, mathématiquement... Une singularité. Voilà, une singularité. Comment tout de même on arrive à s'en sortir. Donc, il y a tout un côté technique. Et j'ai appris ces techniques très tôt. Et j'ai même développé des nouvelles choses. Donc, vous voyez, j'ai appris des choses qui m'ont été utiles pour la suite. Et la deuxième thèse que je mentionnais tout à l'heure, soutenue en 1979, concerne, elle, les propriétés thermodynamiques des trous noirs, cette fois-ci. Oui, propriétés, d'ailleurs, mécaniques, thermodynamiques et quantiques des trous noirs. Et ça, c'est l'ensemble des travaux que j'ai commencé en allant à Princeton. Donc, on peut parler de mon... On peut parler de Princeton, mais j'aimerais tout de même revenir une dernière fois. C'est intéressant parce que dans la pensée d'Einstein, vous me corrigerez bien évidemment si je me trompe ou si je présente les choses de façon trop caricaturale. Dans la pensée d'Einstein, dans les écrits d'Einstein, les trous noirs, c'était une solution à des équations. C'est-à-dire qu'il ne les envisageait pas vraiment comme des objets physiques cosmologiques. Est-ce que je me trompe ? C'est vrai. Einstein n'a jamais affirmé que les trous noirs étaient des objets réels. Mais il ne faut pas lui reprocher en disant tout le monde était convaincu que les trous noirs étaient des objets de la réalité et lui seul s'opposait à ça. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, les trous noirs, c'est une solution qui a été des équations d'Einstein qui a été trouvée sous une première forme. Un mois après la découverte des équations d'Einstein en novembre 1915, c'est-à-dire en décembre 1915, un collègue d'Einstein, qui était sur le front russe parce que c'était la guerre de 14-18, trouve une solution mathématique qui s'appelle solution de Schwarzschild. Aujourd'hui, on l'appelle trou noir. Mais il a fallu 60 ans, pour que cette solution, on comprenne qu'elle corresponde à quelque chose de réel dans l'univers. Un objet cosmologique. Un objet, voilà, astrophysique, cosmologique. Il y a eu une étape importante qui date de 1939 de Oppenheimer, mais même Oppenheimer, après 1939, n'a pas poursuivi la chose et personne n'y a cru jusqu'en 1969, en fait, et dans les années 70. Donc, vous voyez, il y a un très long temps de gestation conceptuelle. Quelque chose qui est une structure mathématique, mais qui semble très bizarre, pour qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, quand on regarde cette solution, il y a des singularités. Il y a des choses qui, mathématiquement, sont mal définies. Qui tendent vers l'infini, comme vous le disiez tout à l'heure. Qui tendent vers l'infini, même si, en fait, l'infini qui a l'air évident dans ce trou noir, c'est pas l'infini que l'on voit, donc c'est en fait un faux infini. Mais il a fallu 50 ans, 60 ans, pour comprendre, aller au-delà de cette espèce de barrière conceptuelle. Et il a fallu la découverte des étoiles à neutrons, qui datent... les étoiles à neutrons, c'est la découverte des pulsars en 1967. Elles ont été découvertes conceptuellement avant, mais dans l'univers réel, c'est 1967. Il a fallu la découverte des sources X binaires. Donc tout ça, en fait, c'était très peu de temps avant que j'arrive à Princeton. Mmh. Ça date de la fin des années 60, des années 1970. Mmh. Donc quand j'arrive à Princeton en septembre 1974, j'ai 23 ans, j'arrive à la Mecque, en fait, de la recherche sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles et les étoiles à neutrons, dans le groupe de John Wheeler, et surtout avec Remo Ruffini, un chercheur italien avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui m'a appris une approche intuitive, conceptuelle de cette physique, de la physique des trous noirs et des ondes gravitationnelles. Et quand vous arrivez à Princeton, Thibaut Damour, vous allez précisément en quête de ces notes d'Einstein dont il spécifiait, comme vous le racontiez tout à l'heure, que tout chercheur qui voudrait des détails pouvait aller les consulter parce que c'était des calculs trop complexes pour être intégrés à cette publication. Et donc, vous vous rendez chez lui, vous contactez la secrétaire d'Einstein qui vit encore dans son ancienne maison. Voilà, je vais à l'Institute for Advanced Study, je demande à voir le manuscrit. On me dit, revenez demain pour voir la secrétaire d'Einstein, c'est elle qui a le manuscrit. La secrétaire d'Einstein me dit le lendemain, venez donc le surlendemain chez moi, c'est-à-dire chez elle, ça voulait dire elle habitait dans la maison d'Einstein, 112 Mercer Street. Et donc, je me retrouve une après-midi dans la maison d'Einstein, ce qui, pour moi, est quelque chose d'important, avec cette vieille dame absolument charmante qui m'a raconté beaucoup d'anecdotes. Par exemple? Alors, en particulier sur les liens d'Einstein avec le spiritualisme hindou. Moi-même, depuis mon adolescence, à travers mon professeur de musique, en fait, Henri Giria, j'avais été bien qu'élevé dans une tradition catholique, j'avais été fasciné par la métaphysique hindoue, l'Advaita Vedanta, et j'avais rencontré des gens qui m'avaient dit qu'aux environs de Paris, quelqu'un correspondait avec Einstein, un swami. Et la secrétaire d'Einstein m'a confirmé qu'effectivement, Einstein était très content quand il recevait une lettre du Swami en disant « Ah, mais il faut qu'on réponde tout de suite ». Et elle m'a parlé de ça pendant un moment, d'autres choses, des anecdotes sur comment Einstein répondait aux gens qui lui écrivaient. Et puis, à la fin de l'entrevue, j'ai aussi bu du thé dans les tasses d'Einstein, elle me donne le manuscrit original avec tous ses calculs en me disant « Bah, prenez-le ». Et rapportez-le quand vous n'aurez plus besoin. Donc je sors tout tremblant, parce que c'est le manuscrit original. Je m'aperçois qu'il n'est pas écrit vraiment de la main d'Einstein, mais de son collaborateur, Leopold Infeld. Mmh. Ça diminue un peu sa valeur intellectuelle pour moi. Mais tout de même, les notes sont là, les notes sont là. Oui. Voilà. J'en ai gardé une photocopie. Bon, en fait, comme j'avais déjà compris une meilleure façon de faire les calculs, ces calculs eux-mêmes n'ont jamais été utiles, mais je garde toujours dans mon bureau, et j'ai montré à vos collaborateurs la photocopie de ce manuscrit, où peut-être, de temps en temps, il y a une rature rajoutée par Einstein. Donc ça reste un souvenir important. Bien sûr. Racontez-nous pourquoi vous êtes en quête particulièrement de ces calculs-là. Qu'est-ce que vous cherchez à ce moment-là, Thibaut Damour, précisément? Parce que vous êtes déjà engagé dans ce qui va devenir le sujet de votre carrière, votre objet d'étude principal, les ondes gravitationnelles. Qu'est-ce qui vous met en quête de ces ondes-là? En fait, non. À l'époque, je ne travaille pas encore sur les ondes gravitationnelles. Je commence à travailler sur les trous noirs, parce que c'est le sujet chaud de l'époque, et j'ai même trouvé des nouveaux concepts sur les trous noirs pendant que j'étais à Princeton. Mais je suis allé voir la secrétaire d'Einstein à cause de cet intérêt d'enfant pour ce problème du mouvement de deux corps, sans savoir que quelques semaines plus tard, à Princeton, on annonce la découverte du premier pulsar binaire par Joe Taylor et son élève Russell Hulse. Et cette découverte, tout d'un coup, je me rends compte, un pulsar binaire, ça veut dire deux étoiles à neutrons, donc des objets pratiquement aussi condensés, aussi denses que des trous noirs. C'est pas des trous noirs parce qu'il reste de la matière, ça s'est pas effondré. Mais tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais mon intérêt, comme ça, depuis mon enfance pour les études d'Einstein sur le problème de deux singularités, va sans doute être utile parce que deux étoiles à neutrons sont tellement denses qu'on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes que pour décrire le mouvement de la Terre autour du Soleil. La Terre, elle n'est pas dense du tout. On peut utiliser des méthodes d'approximation habituelles. Mmh. Donc, dès septembre 1974, je sens que ça va être utile. Et en fait, quelques semaines plus tard, avec Raymond Ruffini, on a une nouvelle idée et on dit par exemple que dans un pulsar binaire, le pulsar est comme un gyroscope et un gyroscope doit pas tourner autour d'un axe fixe dans la théorie d'Einstein, mais cet axe doit, comme on dit, précesser, c'est-à-dire tourner dans l'espace. Et on a prédit, on a été les premiers à prédire que du coup, un pulsar devrait disparaître de la ligne de vue de la Terre parce que l'angle dans lequel il émet le faisceau d'ondes radio pourrait sortir de ne plus balayer la Terre. Mmh. Et en fait, il a fallu 20 ans pour que cette prédiction soit observée par les observateurs de pulsars, mais je suis assez content de ça. Ça a été une de mes premières prédictions qui a été faite 20 ans plus tard. Vérifier, observer 20 ans plus tard, peut-être redire aussi un mot que ces pulsars binaires donnent en fait la première... preuve indirecte des ondes gravitationnelles, c'est ces travaux de Joe Taylor et de son équipe qui va d'un seul coup rouvrir la chasse à ces ondes gravitationnelles. Voilà, 5 ans plus tard, en 1979, Joe Taylor annonce que, en continuant à observer le mouvement du pulsar, donc de deux étoiles à neutrons l'une autour de l'autre, il a vu que les deux objets se rapprochaient parce que la période orbitale devenait de plus en plus courte. Et à ce moment-là, les théoriciens se sont dit « Mais est-ce que c'est une vraie prédiction prouvée de la théorie d'Einstein, ça ?» Il y avait un raisonnement que vous rappelez qui est indirect, qui consiste à dire un objet comme ça, deux objets émettent des ondes gravitationnelles, donc ils doivent perdre de l'énergie à l'infini sous forme d'ondes gravitationnelles. Et il faut bien que quelqu'un paye ça, la perte d'énergie. Et donc, ils doivent se rapprocher pour compenser cette perte d'énergie. Et à ce moment-là, je travaille avec ma collaboratrice Nathalie Deruel pendant 3 ans et d'autres collaborateurs. Et nous avons été les premiers à montrer que, en fait, c'était une preuve directe et non pas indirecte de la réalité des ondes gravitationnelles en faisant un calcul, le calcul suivant. Quand vous avez deux objets qui tournent l'un autour de l'autre, la force gravitationnelle qui agit sur l'objet que vous observez, disons le pulsar, il a fallu qu'elle vienne du compagnon. Chez Newton, Newton nous dit que la force gravitationnelle est instantanée, elle se propage tout de suite. Einstein nous dit non, la force gravitationnelle se propage sous forme d'onde gravitationnelle. Et donc, ça met un certain temps à venir. Et donc, la force gravitationnelle agissant sur le pulsar a mis 1 seconde pour venir du compagnon, parce qu'il est à environ 300 000 km, ça se propage à la vitesse de la lumière. Et ce décalage temporel, on a été les premiers à calculer l'effet de ce décalage temporel et de trouver que ça créait une force de freinage qui, effectivement, faisait se rapprocher les deux objets. Donc, en fait, nos calculs ont montré que c'était une preuve directe de la réalité de la propagation de l'interaction gravitationnelle par onde. Et le prix Nobel a été attribué à Joe Taylor et Russell Hulse, justement pour avoir prouvé la réalité des ondes gravitationnelles. C'est aussi pour ça, vous voyez, que quand vous disiez avant, est-ce que en 2015-2017, ça a été pour moi une grande surprise. Comme en tant que théoricien, on avait prouvé dès 1980 que effectivement la théorie prédisait ça et que c'était en accord avec l'expérience. On savait depuis 1980 que les ondes gravitationnelles existaient dans la nature. On ne les avait pas encore vues arriver sur Terre, mais donc ça n'a pas été une surprise. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Vous venez d'entendre le choix musical de notre grand explorateur du jour et de notre invité, le physicien Thibaut Damour, médaille d'or du CNRS 2017 pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles. Un mot sur ce choix musical, Thibaut Damour, que vous chantiez pendant que nous l'écoutions à l'antenne. Oui, parce que c'est une très belle œuvre de Schumann. Donc c'est extrait d'un cycle de Lieder qui s'appelle Frauen Liebe und Leben, c'est-à-dire l'amour et la vie d'une femme. Et ce morceau particulièrement, j'ai joué un double rôle dans ma vie. D'abord, j'ai accompagné des cantatrices très tôt. Je veux dire, quand j'avais 15-16 ans. Il faut préciser que vous êtes un pianiste. Voilà, je suis. Éprouvé, pourrait-on dire, émérite. Vous avez, est-ce vrai que vous avez hésité entre les études scientifiques et le conservatoire? En fait, on ne m'a jamais dit j'étais doué pour le piano, mais heureusement, mon professeur de musique et de piano, Henri Gériane, m'a jamais dit que j'étais doué pour le piano et que peut-être je pourrais concevoir une carrière là-dedans. Donc je n'ai jamais pensé à ça. Ma vocation était la science et la musique est toujours restée quelque chose d'autre. En revanche, je n'aime pas jouer du piano seul. Ça ne m'intéresse pas tellement de travailler les morceaux pour atteindre la perfection qu'on n'atteint pas. En revanche, j'ai toujours fait de la musique de chambre, accompagné des gens, des violonistes en trio, quintette, et accompagné des cantatrices. Et après avoir joué un certain nombre de morceaux, y compris des Lieder, la partie pour piano, j'ai reçu en fait une lettre d'une cantatrice professionnelle, qui est celle que l'on vient d'entendre, Audrey Michael. Et depuis, je l'ai vue et nous avons joué en concert à l'IHES. Donc vous voyez, on vient d'entendre la voix d'une... la très belle voix d'une cantatrice professionnelle que j'ai eu le plaisir d'accompagner récemment grâce à France Culture. Donc voilà, une musique qui m'accompagne depuis toujours et qui a un lien avec France Culture aussi. Et puis qui me permet à merveille d'enchaîner sur l'IHES et reprendre le fil de votre carrière, hein, avec votre entrée dans cet établissement de recherche qui est une sorte de télème des physiciens et des mathématiciens, un Princeton à la française, l'Institut des hautes études scientifiques, fondé en 58 d'abord à Paris, puis délocalisé au sein d'un immense parc arboré à Bure-sur-Yvette. Bonjour Mathieu Lefrançois. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Et vous avez eu la chance et le privilège d'aller marcher dans les pas du fantôme de Grothendieck, perdu entre un thé brûlant et quelques notes de piano. Effectivement, avec Hugo Bartholomei, nous sommes allés chercher l'inspiration et nous imprégner de l'atmosphère du domaine de Bois-Marie, au milieu duquel se trouve l'IHES. Nous y avons rencontré Emmanuel Hulmeau, mathématicien de formation, il dirige l'Institut depuis 2013. Je lui ai demandé le type de recherches qui se font sur place et surtout ce qui rend ce lieu si atypique. études de recherche restent très théoriques, hein, donc mathématiques et physique théorique principalement, avec une ouverture sur la biologie et même un petit peu sur l'informatique ou l'intelligence artificielle. Un point clé pour nous, c'est qu'on ne cherche pas particulièrement des gens dans des sujets, on cherche des individus exceptionnels qui font qu'un sujet avance fortement. On a une spécificité, c'est d'essayer de recruter des gens très jeunes. La moyenne d'âge des recrutements en maths à l'IHES, c'est 31 ans. Sur 11 qu'on a recrutés, 7 ont eu la médaille Fields. Après, c'est pas une science exacte, on prend un risque. On est une petite structure, donc finalement, on doit juste pas se tromper. On a des conditions de travail, en particulier avec le site que vous voyez ici, qui est quand même est un vrai atout. On a un environnement mathématique qui est certainement un des meilleurs au monde, avec l'Université Paris-Saclay ou la région de Paris, qui est certainement la plus forte densité de mathématiciens au monde. Alors, vous l'avez dit, on est dans un lieu atypique, au milieu d'un domaine très arboré. Vous pouvez nous resituer un peu l'histoire de cet institut. Au départ, en 58, il a été créé par donc un industriel, Léon Motchan, et il avait en tête le modèle de l'Institute for Advanced Study de Princeton. Là où travaillait Albert Einstein. Voilà, dont le directeur était Oppenheimer à l'époque. Et il a été extrêmement en contact avec Oppenheimer pour voir les statuts, comprendre les statuts et le mode de fonctionnement de l'Institute for Advanced Study et essayer de le reproduire ici. Donc on est un modèle assez unique en France parce qu'on est une fondation de droit privé reconnue d'utilité publique. Moi, je suis Marwan Laoud depuis 2013, c'est-à-dire à peu près en même temps qu'Emmanuel Ulmo. Quand lui est devenu directeur, je suis devenu président du conseil d'administration. L'IHES s'est fondé à Paris, mais très vite est apparu le besoin de s'installer à la campagne, dans un environnement propice à la réflexion. Alors, on va se rapprocher maintenant d'un tableau qui attire l'attention. Pour comprendre ce tableau, il faut savoir que l'Institut des hautes études, donc, est regroupé autour d'un petit corpus de professeurs permanents et ou de chercheurs du CNRS, mais c'est surtout une structure d'accueil pour chercheurs du monde entier. En fait, le tableau en question montre des indications minimales sur nos visiteurs, sur les personnes, sur les scientifiques qui sont présents à un moment donné. On a en moyenne 250 visiteurs par an, qui viennent 2 mois et demi en moyenne. Vous prenez du thé Est-ce que vous pouvez me parler de cette tradition du thé de 16h à l'IHES? C'est un des deux moments de la journée où les scientifiques se rencontrent, peuvent discuter de science informellement. Et voilà, ça joue un rôle social important. Est-ce que tu as besoin de temps de calcul? Non, pas maintenant. Mais en fait, j'avais non. Dans les années qui viennent, je ne sais pas. Pourquoi pas? Moi, je m'appelle Alessandro Nagar, je suis italien et je suis un des collaborateurs de Thibault, ou un des, disons, de plus long terme collaborateurs de Thibault, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de travail ensemble. Et pendant des années, ici à l'IHS, on a développé la méthode Effective One Body pour calculer la dynamique et les ondes gravitationnelles émises par un système de 2 trous noirs ou de 2 étoiles de neutrons. Donc là, nous avons une pianiste, c'est ça? Oui, elle ne doit pas s'attendre à ce qu'on vit. Je crois que c'est l'épouse d'un de nos post-docteurs qui fait du piano à un très haut niveau. Là, nous sommes dans l'amphithéâtre. C'est là qu'ont lieu les événements principaux qu'on organise, donc les grandes conférences, les lectures publiques. On a un projet qui est imminent de regrouper toutes les vidéos de l'IHES, de l'Institut Henri Poincaré et du CIRM pour faire une plateforme de vidéos de diffusion commune qui sera, je pense, la plus grande bibliothèque d'événements mathématiques au monde. L'histoire de l'IHES est très marquée par les mathématiques. Il y a aussi des physiciens, comme Thibaut Damour. Comment se passe finalement la collaboration entre ces deux mondes ? De par les individus qui sont là, il y a un dialogue extrêmement fructueux entre matheux et physiciens. Certains des matheux qui sont ici ont un background physique extrêmement prononcé. Maxime Kontsevitch, qui est vraiment identifié comme un matheux, médaille Phys, a reçu le Breakthrough Prize d'abord en physique puis en maths. Et les physiciens qui sont ici sont des consommateurs de mathématiques avancées. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Moi, qui étais dans un labo de maths très longtemps, j'ai jamais entendu parler autant de physique que depuis que je suis arrivé. On m'explique des ondes gravitationnelles au quotidien et c'est un des grands plaisirs d'être ici. Deux choses qui sont complémentaires, c'est l'excellence, la sélection. La contrepartie, c'est fournir l'environnement adéquat et donner toute liberté. C'est ce qui permet à l'être humain de se dépasser et d'aller toucher les étoiles. Que vous êtes vous aussi, Thibaut Damour, un consommateur avancé de mathématiques, comme on vient de l'entendre. J'aimerais une réaction à ce que vous venez d'entendre ce reportage sur l'IHES. Oui, c'est vrai, le mot consommateur est juste, parce que je ne comprends pas les dernières avancées de la recherche mathématique, même si je discute avec mes collègues pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils font. Mais en revanche, dans mon parcours de physicien, j'ai vu arriver des objets mathématiques que je ne connaissais pas et j'ai donc dû demander et apprendre des aspects relativement sophistiqués de certains types de mathématiques comme les algèbres de Kac-Moody qui sont des algèbres de Lie de dimension infinie parce qu'elles sont sorties de la théorie des cordes et la théorie d'Einstein. Un mot plus général sur ce qu'on vient d'entendre, sur ce cadre de travail, de recherche, à la manière d'un clin d'œil en présentation, cette thélème des physiciens et des mathématiciens, est-ce que c'est cet endroit idéal que l'on vient d'entendre pour développer précisément ces travaux de recherche comme vous avez pu le faire depuis un certain nombre d'années ? Oui, ça je dois dire que c'est très vrai. On pourrait croire que c'est un peu ringard, mettre les gens à la campagne dans un cadre, ils vont s'endormir, pas du tout. Au contraire, je dois beaucoup à l'IHES. D'abord, avant j'étais au CNRS et donc ça a été très important pendant longtemps d'avoir un poste permanent, de pouvoir travailler avec d'excellents collaborateurs. Mais le jour où on m'a offert en 1989 un poste à l'IHES, ça m'a obligé à travailler encore plus profondément, à essayer d'ouvrir les sujets sur lesquels je travaillais, c'est-à-dire au lieu de me reposer sur mes lauriers et de me dire « bon, là, on est dans un cadre agréable », ça m'a permis de faire venir des collaborateurs. Par exemple, un certain nombre de collaborations avec Joe Taylor ont été faites à l'IHES. Comme on a entendu, Alessandro Nagar, avec qui j'ai développé la méthode Effective One Body, est resté 9 ans à l'IHES à travailler avec moi. Alessandra Buonanno, avec qui j'avais travaillé avant, était restée 2 ans. Donc, dans ma carrière, j'ai eu une centaine de collaborateurs et au moins une cinquantaine ou plus, j'ai travaillé avec eux à l'IHES. Et pour certains d'entre eux, beaucoup les Russes, par exemple, comme Sacha Polyakov, en fait, le travail se fait en se promenant dans les bois, dans le parc de l'IHES. C'est des gens qui n'aiment pas, en général, rester enfermés dans une pièce. Et puis, même si ça paraît un peu bébête de se dire, à l'époque moderne des communications par électronique, à quoi ça sert que les gens soient ensemble dans la même pièce puisqu'ils peuvent communiquer par Internet ? Eh bien non, en fait, être face à face du même tableau, écrire à la craie sur un tableau, souvent dans ma carrière, et y compris très récemment, j'ai vu que de nouvelles idées sortaient. Donc, L'IHES a été une structure extrêmement importante et continue à l'être pour moi. Parlez-nous précisément, hein, vous nous en avez touché un mot au début, mais maintenant qu'on en a parlé un peu plus longuement, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ces ondes gravitationnelles et sur leur histoire, parlez-nous de l'apparition de cette formalisation de cette méthode Effective One Body que vous avez mise en place, sur laquelle vous avez longuement travaillé pour aboutir à un résultat en l'an 2000. Alors, d'abord, j'aimerais dire qu'elle est fondée sur des choses qui ont été faites avant. J'ai évoqué tout à l'heure les premiers travaux avec Nathalie Deruel sur l'interaction entre deux corps. Ces travaux, je les ai ensuite prolongés avec d'autres collaborateurs, en particulier Gerhard Schaefer, un Allemand, et Piotr Jaranowski, un Polonais. Et puis, un de mes collaborateurs très importants pendant longtemps a été Luc Blanchet, qui ensuite a continué lui-même avec son propre groupe. Et avec Luc Blanchet, Gerhard Schaefer, Piotr Jaranowski, on a développé de nouvelles méthodes pour calculer le mouvement de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons, au-delà de l'approximation que je connaissais quand j'étais gamin, bien au-delà de l'approximation qu'Einstein, Infeld et Hoffman avaient faite en 1938, mais en prolongeant ces méthodes-là. Et aussi, on a amélioré, bien au-delà de ce que Einstein avait fait en 1916, où il avait calculé quelle est l'émission d'ondes gravitationnelles par des corps qui bougent, on a pu créer une théorie de l'émission d'ondes gravitationnelles, en particulier par un système binaire, avec une très grande approximation. Mais ces méthodes-là, si elles restent la base, le fond essentiel sur lequel on travaille, elles perdent leur validité quand les deux objets se rapprochent et tournent de plus en plus vite. D'abord parce qu'ils vont de plus en plus vite, qu'ils émettent une amplitude gravitationnelle de plus en plus grande et qu'à une fréquence de plus en plus grande. Donc ces méthodes, qui restent la base de tout le reste, ne deviennent plus, perdent leur validité. Et donc, il a fallu, et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé vers l'an 2000, inventer une nouvelle étape, utiliser ces résultats-là, mais les mettre à l'intérieur d'un nouveau formalisme qui permet de prolonger leur validité et de décrire ce qui se passe lors des 5 dernières orbites, où ça va vraiment très vite, et aussi lors de la fusion des deux trous noirs. Et cette méthode Effective One Body, je ne vais pas la décrire techniquement, mais l'idée essentielle consiste à dire que on peut remplacer un problème à deux corps, c'est-à-dire où il y a deux corps qui se déplacent dans l'espace l'un autour de l'autre, par un problème fictif, qu'on appelle effectif en anglais, d'un seul corps, une petite masse qui tourne à l'intérieur d'un espace-temps courbe fixé, mais pas encore connu, inconnu au début du calcul. Et toute la difficulté est de se dire dans quel espace-temps courbe faut-il qu'une petite masse se déplace pour que le mouvement de cette petite masse dans un espace-temps courbe donné soit équivalent au mouvement de deux corps l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est ça l'idée de cette méthode. Et en fait, cette méthode s'est révélée être très efficace. Elle permet de réutiliser des informations qui existaient et qui cessaient d'être valables. Et maintenant, mise dans une nouvelle forme, on peut réutiliser cette information et décrire ce qui se passe dans les dernières orbites et lors de la fusion des trous noirs. Je dois dire aussi que un élément de cette méthode est quelque chose que j'avais appris dès 1974 à Princeton avec Remo Ruffini, où Remo Ruffini, avec ses collaborateurs, avait fait des études de petites masses qui tombaient dans les trous noirs et où ils avaient découvert certaines structures, et en particulier des structures trouvées pour la première fois par un Indien, Vishveshwara, que un trou noir est un objet élastique aussi, qui, quand quelque chose tombe à l'intérieur du trou noir, se met à vibrer comme une cloche. Et donc, un trou noir a des modes de vibration, et l'existence de ces modes de vibration d'un trou noir joue aussi un rôle élément. Après la fusion des deux trous noirs, ce qui est formé par la fusion des deux trous noirs, c'est un trou noir, à la fin, plus gros que les deux, mais ce trou noir est créé dans un état qui n'est pas à l'équilibre, et donc il se met à vibrer et à émettre aussi des ondes gravitationnelles caractéristiques. Donc il a fallu, vous voyez, mettre ensemble plusieurs choses que j'avais apprises tout au long de ma carrière. Mmh. On parle à propos de cette méthode. Il faut préciser qu'il y avait des possibilités de simulation numérique, mais qui sont extrêmement lourdes, qui demandent des puissances de calcul considérables. Là, il s'agit d'une solution analytique qu'on qualifie de plus rapide et de plus élégante. Oui, alors plus élégante, je suis d'accord avec ça, mais je ne peux pas juger puisque je suis un des créateurs essentiels de cette méthode. Mais je trouve, mais plusieurs personnes m'ont dit qu'ils la trouvaient élégante et j'en suis heureux. Alors plus rapide, ça c'est tout à fait objectif, puisque par exemple, parmi les sources détectées vraiment par la collaboration LIGO-Virgo, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, il y en a une. Qui a été découverte le jour de Noël 2015, en fait le 26 décembre 2015. Et cette source, on l'observe pendant 2 secondes dans la réalité. Ça émet 55, les corps tournent 25 fois l'un autour de l'autre, émettent 55 cycles d'ondes gravitationnelles. Tout ça dure 2 secondes. Quand on a essayé de faire un calcul purement numérique pour vérifier que le calcul obtenu par la méthode Effective One Body était correct après coup, il a fallu 3 mois de calcul sur superordinateur et 70 000 heures CPU. Mmh. Ce qui montre que même avec les meilleurs ordinateurs, les plus puissants et les meilleures techniques aujourd'hui, c'est fou de penser que quelque chose que la nature réalise en 2 secondes, il faut 70 000 heures aujourd'hui pour le recalculer. Et notre méthode, effectivement, calcule ça en quelques secondes. Donc, comme la détection des ondes gravitationnelles utilise parmi diverses méthodes qui sont utilisées, qui doivent être combinées, mais la méthode qui permet d'extraire les valeurs des masses et des quantités de rotation des objets utilise, en fait, actuellement 350 000 formes d'ondes de fusion de 2 trous noirs qui ont été pré-calculées par la méthode Effective One Body et qui sont maintenant stockées sous une forme auquel on a accès en calcul de façon extrêmement rapide, parce que il faut que, en temps réel, le flux de données d'ondes gravitationnelles soit étudié pour savoir s'il y a un signal caché, puisque un des grands enjeux aujourd'hui est de détecter les ondes gravitationnelles au milieu du bruit très rapidement, non pas pour savoir en détail tout ce qu'il y a, mais pour dire aux observateurs d'ondes électromagnétiques « Ah, dans le flux d'ondes gravitationnelles des détecteurs, on voit quelque chose qui peut être la fusion de 2 trous noirs ou 2 étoiles à neutrons, à tel endroit dans le ciel, regardez si vous voyez un signal. » C'est-à-dire pointer en fait les télescopes vers un à cet endroit-là. Intéressant. Mmh, voilà. En fait, ça a été fait récemment, même avec un peu de retard, puisque en fait la dernière découverte de LIGO-Virgo a été l'observation de la fusion de 2 étoiles à neutrons. Et là, on a pu observer en ondes gravitationnelles qu'il s'agissait de 2 étoiles à neutrons. Et après la coalescence et la fusion des 2 étoiles à neutrons, 2 secondes après, a été émis une bouffée d'ondes électromagnétiques de très haute énergie, c'est-à-dire un gamma ray burst, c'est une bouffée de rayons gamma. Et puis, des heures plus tard, on a vu de la lumière en optique, puis en rayon X, puis maintenant en radio, je crois, puis maintenant, je crois qu'on ne voit plus rien. Et dans le futur, on veut pouvoir dire aux observateurs en quelques secondes ou en 10 secondes, parce que vous voyez, la bouffée d'ondes de rayons gamma, le flash de rayons gamma a été mis 2 secondes. Donc, en principe, il faudrait que l'onde gravitationnelle, que l'on voit pendant 2 minutes, donc on a tout de même le temps, mais il faut, après déjà une première minute d'observation, être sûr qu'on a vu une coalescence et dire, dans 1 minute, vous allez devoir pointer à tel endroit. On n'en est pas encore là, mais quand les détecteurs reprendront leurs observations dans 1 an, on aura tous les mois des événements de ce type. J'aimerais tout de même qu'on dise un mot pour conclure sur quelque chose qui vous tient à cœur et auquel vous avez contribué notamment récemment à travers une bande dessinée qui s'appelle Le mystère du monde quantique, dont vous signez le scénario et Mathieu Burnia le dessin, sous édition d'Argo. Aujourd'hui, c'est important de faire ce travail de vulgarisation sur des choses, sur des concepts qui sont des concepts complexes. La physique quantique, c'est compliqué à vulgariser. Les ondes gravitationnelles, c'est compliqué compliqué. L'unification de la physique, c'est compliqué à vulgariser. Oui, et je sais que quand j'étais gamin, une partie de ma vocation de la physique est venue de lire des ouvrages de vulgarisation. Un livre qui s'appelait Einstein et l'univers, c'était fascinant. Et dans ma carrière, j'ai trouvé qu'il y avait un problème conceptuel pour comprendre la physique quantique. Elle est très mal expliquée. Beaucoup de gens ne s'accordent pas sur le sens, la réalité physique qu'il faut accorder au monde quantique. Et donc, je tenais à rendre le type d'information qui m'a été utile quand j'étais gamin pour que les jeunes aujourd'hui, d'ailleurs les jeunes de 9 à 99 ans, peuvent lire cette bande dessinée, sans concession, c'est-à-dire il n'y a pas de simplification outrancière, on entre un peu dans les détails, mais en même temps il y a l'histoire d'un espèce de Tintin et Milou, un détective avec son chien, qui essaye de comprendre qu'est-ce que, pour nous tous, nous dit la réalité quantique ? Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde réel ? Parce que derrière la vocation et derrière mes travaux scientifiques, vous savez, il reste l'interrogation philosophique et intuitive d'un gamin qui, enfant, voulait comprendre l'univers. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Pourquoi l'univers est comme il est ? Ce monde étrange dans lequel nous sommes, qu'est-ce que nous comprenons ? Et donc, ça reste une quête essentielle et j'ai compris quelques éléments de l'univers et donc j'ai essayé de partager cette compréhension, en particulier à travers cette bande dessinée. Une dernière question pour conclure, Thibaut Damour, une question qu'on pose à tous les grands explorateurs que nous recevons au cours de cette semaine. Est-ce que la question de la postérité se pose pour vous dans votre carrière ? Non, pas du tout. Jamais j'ai le sentiment de dire est-ce que je laisserai quelque chose ou pas. Il y a un tel plaisir intellectuel tous les jours. D'abord, il y a un plaisir à long terme. J'ai eu la chance que certains de mes travaux soient utiles pour comprendre le monde réel. Donc, certaines de mes découvertes sont utilisées par les observatoires de pulsars binaires, par les gens qui détectent les ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est un plaisir intellectuel profond. Mais évidemment, c'est un plaisir profond. Mais tous les jours, même si c'est dur, le travail scientifique n'est pas une chose facile. Il ne s'agit pas de rêver à l'univers. Il faut faire des calculs, comprendre des choses compliquées, trouver des choses nouvelles. Mais on trouve toujours des choses qui sont intellectuellement belles, satisfaisantes. Et c'est un tel plaisir, je veux dire, travailler. Je travaille de 9h du matin à 9h du soir depuis que j'ai 14 ans. Et je n'envisage pas d'arrêter. Vous savez que Einstein était à l'hôpital. Un jour, il a demandé à sa secrétaire de lui apporter ses feuilles de calcul. Il a fait des derniers calculs. Il a posé ses feuilles de calcul sur la table à côté de son lit. Et il est mort dans la nuit. C'est-à-dire jusqu'à son dernier souffle, Einstein a essayé de comprendre des choses, même s'il n'avait pas beaucoup d'espoir que ses dernières recherches portent des fruits. Simplement, le plaisir de la recherche, comprendre quelque chose de ce merveilleux univers dans lequel nous sommes plongés, est un plaisir en lui-même essentiel. Et vous recevoir était un plaisir, Thibaut Damour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que si vous ne comprenez pas grand-chose à la mécanique quantique et à la physique quantique, ou si vous avez tout compris mais que vous voulez l'approcher par un autre angle, par un autre aspect, et puis nous sommes dans la période de Noël, donc si vous reste encore quelques cadeaux à faire, allez donc vous procurer Le Mystère du Monde Quantique. Thibaut Damour et Mathieu Burnia, c'est aux éditions d'Argo. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Ville-France, Céline Lausanne, Mathieu Lefrançois, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Pascal Bénard à la technique. Et pour ce qui nous concerne, demain, notre dernier grand explorateur nous emmènera dans le futur à travers le passé. Il est l'auteur de certains des plus grands romans d'anticipation de la fin des années 70 et des années 80. Il s'est exilé à Paris pour fuir l'ère Reagan. Grand entretien avec Norman Spinrad, l'auteur de Jack Baron et l'éternité et Rêve de fer. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.